casse. Ouais, si je monte pas le bon casse, c'est normal, j'entends rien. Bah ouais, c'est ça, c'est le 339e numéro de la vie des microbes. N'importe quoi. Ah, la publicité. Il parle de Droguise. Ouais. Non, moi je le dis pas. Mais d'ailleurs, moi aussi je fais de la pub pour Droguise. C'est bien, Droguise. Ouais, bah oui. Mangez-en, c'est bon. C'est ça, derrière les micros, il y a Manu aussi. Et bien Manu, tu fais coucou. Je suis bien caché. Voilà, ça y est, on a entendu sa voix, c'est trop bien. C'est on est. Bah, ouais. Moi, je suis malade, hein, donc ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué pour moi ce soir. Moi, j'ai un réveil de sieste assez difficile. Putain, mais c'est vraiment les trucs des vieux, tu sais. C'est ça les festivals de week-end. Hein. Exactement. On est le mercredi soir, on n'a pas encore récupéré. Même quand t'as un lundi férié, quand c'est le dimanche, c'est ouf. La vieillesse, c'est un naufrage. Eh bien, pour les gens qui voudraient ne pas écouter cette émission qui s'annonce excellente, mais qui voudraient plutôt aller en concert, surtout les Lillois, bah, ils peuvent aller à la Bulle Café, où il y aura Girls in Synthesis, bah, qui commence là maintenant, l'ouverture des portes il y a 2 minutes, et ils vont commencer, je pense, le premier groupe, c'est Shoot. Et leur post-punk neurasthénique là, et ensuite c'est vrai quoi, enfin j'ai un peu, bon c'est pas mal, mais pff, des fois t'as envie de te pendre quoi, enfin ouais, et après quand même Girls in Synthesis c'est mieux, et donc je vous passe un petit titre de Girls, et puis après ça vous pourrez aller à la Bulle Café si le cœur vous endive. Comme on dit par là-bas. voilà, Girls in Synthesis dissite. son de gratte un peu à la Killing Joke, mais enfin bon. Ouais. Hein. Ouais. Un peu noisy le morceau. C'est d'une oise. D'une oise. Vous êtes encore là ? Eh ben, c'est parti pour Pyongyang Sea Rockers. Youpi ! Allez, on part avec du français maintenant. Ouais. Il y a le groupe parisien Lions Low qui va sortir vendredi un nouvel album intitulé « Si le ciel vient à tomber ». La particularité de ce nouvel album, c'est que c'est une compilation de tous leurs morceaux chantés en français, mais augmentée de 3 morceaux, on va dire, inédits. Donc il y a une réinterprétation de leur tube Lafayette en français. Encore ! Qu'ils ont repris les paroles de Puissance Cube. Et puis il y a 2 nouvelles compos. Le morceau Idée Noire, dont vous pouvez d'ores et déjà retrouver le vidéoclip sur YouTube. Et puis A t'en brûler les ailes, qu'on va écouter là de suite. Ça a juste été diffusé sur Droogies pour l'instant. C'est beau. Merci à Une Vie pour Rien de nous lâcher à chaque fois les exclus. Tout de suite, Lions Low. Oi, à t'en brûler les ailes. Ouais, c'est de plus en plus rentre-dedans ou quoi, Lions Low enfin, il semblerait que ce soit les premiers morceaux sans Louis, donc c'est la nouvelle formation Lions Low, enfin... Tu veux dire qu'ils n'écoutent pas sans Louis? Oui, c'est ça. Bon. Ouais, non mais c'est parce que Schnapp c'est pas là, mais on fait quand même des blagues de daron. C'est Pyongyang Sea Rockers numéro 339. Qu'est-ce que je mets? Bah, je continue sur ma lancée d'annoncer des concerts d'événements que j'ai déjà passé ici. Passeront. Tiens, ça y est, où je l'ai mis? Allez, blabla. Ils viennent de sortir une cassette sur. La cassette est sortie là, c'est jour-ci. Et pas que. Aussi Senseless Acts of Anger. C'est dispo, mais bon, ici sur l'île, ce sera Dirty Slap. Il y en aura certainement au concert qui aura lieu samedi au CCL avec Prof de Ski et puis je sais plus qui d'autre. Un groupe dub, je crois. Ça va être marrant. Prof de Ski du surf. après du dub, et puis le troisième c'est du punk qui n'est pas sans me rappeler le groupe de, putain je me rappelle plus des noms de groupes ce soir, de Grenoble là, Alarme. Voilà. Bah, moi franchement de Skid d'ailleurs qui joue jeudi soir hier sur la liste. Ah, sur, ouais, voilà, en plus. Ouais, avec Tanzinite, je crois, non ? Et Demon Juice. Demon Juice, ouais, ok. Je pense pas que c'est vrai, t'as raison. Demon Juice. Ils ont fini leur mini-tour, mec. Voilà. Donc, ben voilà, des veines sur les toits, en attendant de les retrouver au CCL ce samedi soir. Chasser des rats, courser des idoles, tout ce que tu veux y faire, comme si ça ne t'atteignait pas. Tu finiras bien par glisser de toi-même, pourtant je te tendais les bras. On ne récolte pas toujours ce que l'on sème, tant pis pour moi, ça m'apprendra. Des veines. Des veines. Des plus loin. 106,6. Ouais. Nouvelle production, Dirty Slap Records, Senseless Act of Anger. Ouais. Et puis en plus, les cassettes Dirty Slap, c'est bien, c'est qu'elles sont à prix libre. Donc si tu veux mettre 15 balles, tu peux. Enfin, même de toute façon, quand c'est pas à prix libre, hein, tu peux mettre 15 balles. Mais il faut que ça les vaille, quoi. Enfin, t'as d'autres gens qui font des cassettes à 15 balles et ça les vaut pas. Alors que là, bah, c'est du prix libre, donc tu mets ce que tu veux. C'est bien. D'accord. Moi, je suis fan de Deven, hein, donc c'est bon, vous arrêtez, vous ne me ferez pas changer. Bah, je vais continuer avec un autre groupe français, de mai ce coup-ci, 1984, qui reviennent avec un nouvel album, leur troisième, qu'ils ont appelé Nothing Will Ever Change. Bon, rien ne changera. Rien n'a encore changé. Non, pas vraiment, si. Bah, je sais pas, le lundi à 20h sur Campus. On y retrouve 11 nouveaux morceaux, et c'est sorti le 18 avril dernier sur Dirty Punk Records. Le groupe joue au Loco Loco Festival le 15 juin en compagnie de Total Chaos, Disturbance, Kaleko Urdangak, Rotana Meiru, Jody Faster, Yena pour ne citer que. Et ça se déroule à Opwijk. Alors, Opwijk est une commune néerlandophone de Belgique située en région flamande dans la province du Brabant flamand. Elle se situe à 20 km de Bruxelles et à 12 km de Termonde. Dans Dermonde. comme ils disent là-bas. En ancien français, Temps-Remonde. Il y a encore une rue comme ça à Lille, la rue de Temps-Remonde. Ah ouais. Ouais. Eh ben, en attendant de trouver la rue, on va écouter le morceau qui donne son nom à l'album et qui vient d'être clippé, Nothing Will Ever Change. Un peu de franglais sur le 106,6 avec 1984, Pyongyang City Rockers. Oi. Youpi, 1984. Bah tiens, puisqu'on est dans l'Est, bonjour à Bobo. Ouais, Bobo. Puisqu'on est dans l'Est, je vais continuer avec un autre groupe, avec des anciens de Oi Boys. Un ancien de Oi Boys, Frau Trophée. Ça a complètement changé de style, hein, parce que vous allez voir, c'est plus... c'est plus noise, hein, comme tout à l'heure. Hein. J'ai pas grand-chose à dire de eux, bah, sauf qu'ils vont faire maintenant Under Arrest. Et puis, c'est la version Dark Ages, car nous entrons dans les âges sombres, à une époque sombre, n'est-ce pas, hein. Frau Trophée, s'écrit F-R-A-U-T-R-O-F-E-A. On va savoir ce que ça peut bien vouloir dire. Yeah! sera au Trophée. Hein. Oui. Pour accueillir Jamie. Ah, Jamo, t'es là. Je viens d'arriver. Il est avec Usain. Ouais. En Bolt. Ouais. En Bolt. T'es venu avec sa dame. Bon, bon, allez, place maintenant à un groupe originaire de Boston, Massachusetts. Boston. On l'a déjà diffusé dans l'émission. Il s'agit de Battery March, qui vient de sortir son premier album le 2 mai dernier. Alors, je vous en avais parlé, car le groupe il a une petite particularité. Il place un morceau en français dans chacun de ses scuds. Pas fréquent pour un groupe américain. Hein. Ouais. On y retrouve une superbe reprise de réalité de Caméra Silence sur leur cassette démo de 2019, ouais, qu'on a diffusée. Ouais. Futur pour eux, extrait de leur 7 pouces sorti en 2023, qu'on a diffusé. Enfin, je crois. Je sais plus ça. Réalité, ouais, plus mais... je sais plus. Merde. Et là, c'est pas un, mais deux morceaux en français qu'on peut retrouver sur l'album. Arme blanche et sans foi ni roi. C'est, je suis pas enrhumé, hein. Même si j'ai le nez encombré, je suis pas ni roi, pas ni loi. L'album est dispo à l'écoute sur leur Bandcamp. Et puis, bah, moi, j'ai décidé de vous passer le morceau Arme blanche. Battery March, 106,6, Pyongyang City Rockers, tout ça, oi. Yeah. bim bim bim, bah ouais, du belge. C'était ouais, Esprit de la Louvière, et tu là, bah c'était Romano Nervoso, la Louviérois Sicilia. Ou Sicilo, la Louviérois, je sais pas comment on dit. De toute façon, Wallonie, il y a que des Italiens. Verdona aussi, on en a d'ailleurs, hein, je dis, ouais. Est-ce qu'un Sicilien est un Italien, ça je ne sais non. pas. Alors là, faut jamais dire ça. Alors là, je dis, tu vas avoir des problèmes. Ou qui viennent. Et Romain Narazo passera en compagnie de mon colonel qui fera un DJ set, lui, au couvent à Roubaix ce dimanche à d'accord. partir de 16h. Ça coûtera quand même 8 euros l'entrée. Mon colonel, vous connaissez, hein, c'est le Pop of Dope. Les mecs des parties ardoises, là, tu vois. Ouais. Mais en France, il n'est pas connu, Romain Narazo, mais en Belgique, il fait des scènes de ouf. Hein. Ouais, tout à fait. Et donc bah, là, ce sera l'occasion de voir. Donc, il faut aller jusqu'à Roubaix, mais bon, ah, voilà. Le couvent, ouais, c'est pas mal. Bon, c'est un peu. Un peu trop religieux à bon non, mais... un peu bobo, quoi. Tu sais, c'est un ancien. Voilà. Monastère. Mais ouais. Tu sais, il y avait un ancien couvent rue des Stations, ce n'était pas un monastère, celui-là. C'était le vacarme. Et c'était pas trop bobo. Ouais. C'est ça, vacarme pour vacarmer. C'était les non-carmélites, là. Ouais. Voilà. Donc, Romano Nervoso, c'était Il senso della vita. Ah, le sens de la vie. Alors. Et il y a quelqu'un qui est arrivé tout à l'heure et qui va maintenant nous parler du sens de la vie. C'est ouais. Mr. Jamie. Bah, moi, j'ai un mort. Ah ouais. Tout de suite. Hein. Moi, ça, je vois pourquoi ça me fait. Non, mais faut le dire. Ça date du 10 mai, mais j'étais pas là depuis. C'est pas bien. Tu feras bon, pénitence. Au ouais, donc, c'était il y a 12 jours. Nicus Pocus des Winkles ah, ouais. est décédé. Ouais, ouais, ouais. Donc c'était un des qui faisait les bruitages et tout du crew. Marc Ducroux. Un beatmaker. Un beatmaker, ouais, qui s'occupait des sonorités et ouais. tout. Et moi j'ai choisi de passer Cereal Killer. Donc c'était apparu sur l'EP juste fait là. Et moi c'est sur DJ Pone Réveille le Zvink. Yeah. Une version remix alors. Ouais, une version remixée ouais. par DJ Pone. Vraiment. Mon sang ne se vénissait au plus vite. Quelque chose de bizarre m'enferme. Quelque chose qui fait cette horrible bruit de céréales. Fait cette horrible bruit de céréales. Fait cette horrible bruit de céréales. Poisson balèze. Poisson balèze. Poisson balèze. Poisson malaise. Poisson balèze. Poisson malaise. Poisson balèze. Poisson balèze. Les chicots au bourbon m'embourbe dans le houblon, excite les égards. psychiatrique, chronique scénique, à l'accro, c'est chronique, le macro, mi-homme micro, pris synchro, est invité à l'apérobique, nos versants, chaque apic. Ouais, au lever du coude, on développe nos réflexes, ça nous vexe de te voir bouffer des cornflakes, car le swing favorise la grosse tige au frostige des rails, se crispe et pique, ça crispe pour aille, se crispise, malsain dans la membrane, oublie tes all-brad pour tes problèmes de transit intestinal, basse t'as la solution anale, comme des stops, je fais sauter le bouchon, et smax, viens dans l'axe, c'est tellement bon que je fais des bons jusqu'au balcon, et que j'ubégère toute ma potion, obsession, amour pour la boisson, 1-6-6-4, j'en ai des cicatrices, c'est triste, ma voix n'est plus celle d'une cantatrice, je m'attriste, sur tes traces, laissées sur mon bide, je danse la danse du ventre, et tout remonte à ma tête livide, ravi de se cacher, j'en suis à vide, cosy arrive, quand mon verre est vide, je le plains, quand mon verre est plein, je le vide, le réel, qui l'a, buveur de bière en série, on se gorge, gorge, doublon et de malta, whisky, céréales, killer, les sprinkles sont fous, on laisse que des cadavres derrière nous, céréales, killer, buveur de bière en série, on se gorge, gorge, doublon et de malta, whisky, céréales, killer, les sprinkles sont fous, on laisse que des cadavres derrière nous, céréales, killer. Profondément dans un verre d'alcool. Ils découvriront ainsi, vu de l'intérieur, les joies, les méfaits, les dangers et la fête que l'alcool pourra leur procurer. Le mal arbore les barres, voilà le mal à barre des pierres qui swing les syllabes et la gomme jusqu'à la vue. Tu te rebutes devant mes rébures en carreau bar, à bras carambar. Je brigue les brocs et truc les bocs. Je me biture et turbine à la tubor, turbo cyborg comme Young Borg. Tête de céréales qui là. Je mâche pas mes mots, je les smash. Flash rough sur les fûves, là le raffut, les big barouf. Toujours à l'affût d'une soirée mousse. Les capitaines taverne, t'avoine, t'avertissent. N'avale pas de travers, ou s'bang, flingue ton verre. J'ai un permis de tuer, c'est ma licence, garde mon ami. Pas de demi-mesure, je te mesure à ton usure au demi. Usurpation, consommation, entraîne une punition. On t'a mis dans un état stationnaire d'épuration. Notre torture, c'est la tourtelle, et on va t'en faire boire jusqu'au bout de l'ennui. Notre torture, c'est quoi ? Et on va t'en faire boire jusqu'au bout de l'ennui. Notre torture, c'est la tourtelle, et on va t'en faire boire jusqu'au bout de l'ennui. Notre torture, c'est quoi ? Et on va t'en faire boire jusqu'au bout de l'ennui. Céréales, killer, buveur, guerre en série, on se gorge, torche, doublon et de mal, ta whisky, céréales, killer, les sphinxes sont fous. On laisse que des céréales, killer, buveur, bière en série, on se gorge, torche, doublon. Céréales. Voilà. Voilà, on digère. Session live dans Pyongyang City Rockers numéro 339. Bonjour à Schnaps qui nous envoie des insultes par message. C'est sympa. Salut Schnaps. Et il nous traite de bobo. Il me traite de bobo moi-même. Ah bah. Hein, je vais pas le contredire. Hein. Non. Il manquerait plus qu'il m'appelle Dirty Punk. Ouh, ouh là là. Allez, ça termine en live. On va continuer en live avec une petite vieillerie. Une vieillerie pas officielle du tout, car il s'agit d'un live chopé sur la table de mixage dans une salle de Oulin en 99 de ce fait-là. Ouais. J'ai, sur le fichier, il écrit 98, mais je pense que c'est pas la bonne date. Et je pense que ça n'a jamais été diffusé. Peut-être certains morceaux dans le CD live d'adieu du groupe qui s'appelle I Would Prefer Not To. Je parle de Zabriskie Point. Oui, moi je suis fan, mais inconditionnel. Hein. Alors ça va être enregistré à Oulin. Oulin, c'est dans la région lyonnaise. 99, c'est la fin du groupe. Et donc leur tournée c'est d'adieu. C'est en fait. Comment ah, c'est un peu comme Nix Pocus, c'est des morts aussi. Ouais. Bah là, il n'est pas mort le chanteur. Non, mais Godot est pas mort. Enfin, d'ailleurs, les autres, je ne sais pas. Il sort des trucs bien, quoi. Je ne sais pas ce qu'il en est. Ouais. Donc, je sais qu'en 99, ils sont passés au Grand Mix à Tourcoing. Ouais, j'y étais. Je pense y être allé, mais à cette époque-là, je supportais un peu moins bien l'alcool, donc j'ai plus trop de souvenirs. Il y avait beaucoup de viande saoule ce soir-là. Le concert à Oulin a lieu le 6 novembre 99, soit quelques jours après celui de Tourcoing, qui a eu lieu le 30 octobre 99. Ils étaient alors accompagnés de Advertise, connais pas, de Clunk et des Partisans. Alors j'ai eu cette archive par l'ami Metalaz, qu'il a eu, lui, de l'organisateur du concert. Remerciement. Alors Stéphane, je sais que tu kiffes beaucoup Zabriskie. Donf. Alors je vais te laisser le choix du morceau. Fais-toi plaisir. Ça a presque 25 ans cette affaire, c'est délirant. Enfin là, ça me venait... logique du prix, logique du pire, c'est bien. La logique du prix. Du prix. On y est là, on est en 2024, c'est fini la rigolade. Hein. Maintenant, il n'y a plus que les prix, il n'y a plus que l'argent. Hein. En tout cas, c'est mon morceau préféré aussi de cette liste, qui est un live de qualité très bonne, nous allons dire. Vas-y, j'ai pas écouté, pour moi ce sera une belle surprise. Ouais, j'espère. Tu peux choper le live complet si tu veux. Oh merci monsieur, ça presse... Bon anniversaire en avance. Le pire, le désordre du monde, inspire une tendresse amusée, moins de malheur et de criant sincérité. Trahis de l'atrocité, la guerre, la maladie, d'ailleurs même le bois est trahissable comme disait l'autre, hein. Me cherche un bonheur, ma tête serait pour rien. Et puisque désormais je ne suis plus qu'un fantôme... Ah non, mais non, mais non, mais. Ah, c'était quoi ça? Un groupe originaire du nord de la Californie. La Californie du Nord, je sais pas. Ils habitent quelque part au milieu des collines et s'appellent Titan Notes. Le batteur a la particularité d'être dans à peu près tous les groupes. Ah, c'est Ripoll? De ce coin-là. Ouais, mais c'est le Ripoll de la Californie du Nord. Tous les groupes de ce coin-là qui font des trucs un peu en rapport avec le punk depuis au moins la fin des années 90. Voilà, le titre c'était Crooked Rail. Comment allez-vous? Ça va, ça va. C'est vrai que c'est un mois maintenant. Oui. Alors, j'ai le choix entre des Anglais ou des Basques. Ce qui t'intéresse. Des Basques. Ouais. Allez, putain, merde, j'ai viré la rotation automatique. Alors, il y a le groupe ultra vénère Ogoro de Bermeo au Pays Basque qui va sortir son nouveau disque le 8 juillet. Alors les précommandes commencent le 31 mai. Leur album La Marcha est déjà on écoute sur leur Bandcamp, sur le Bandcamp de Mendeku Discac. Alors on y retrouve 6 nouveaux morceaux en face A et les 6 morceaux de la cassette en face B. À noter que pour une fois, le groupe basque chante en castillan. Et ouais. Et j'ai pas noté le titre du morceau que je vais vous proposer. Involution. Ah oui, Involution. C'est celui qui m'a sauté aux oreilles à la première écoute. Ogro, sur le 106,6. Ça veut dire quoi? C'est un groupe de la rue, en fait. C'est quand ils appellent leurs potes. Ogro. Ogro, viens ici. Voilà, Involution. Oi. Oi. Involution. By the way, my legs. of a beer on the bar, on the bar. Will you grab it and drink it? Heineken, Corona, Rudolph, and Zipfer. Ronnie Dio, it's a Mia Mario, Nintendo. Voilà, c'était quoi les Autrichiens de Insanity Alert avec Moshemian Trashodi. Oh, rien à dire. Hein? Big up à Kevin. Voilà. C'était bien quand tu faisais les Hippers. Si jamais un jour tu veux refaire une tournée, ce serait cool. Bon, avant d'oublier, annonce d'émission sur Boomerang 89.7 à Roubaix, vous savez. En ce moment, il y a Eclipse, le post-punk cold wave, tout genre, là. Et après, vers 22h30, ça sera le quatrième épisode de la nouvelle émission de Vieillerie qui s'appelle Chauve qui punk. Contrairement à ce que le nom laisse supposer, ça ne parle pas de punksploitation à la française, mais quasi uniquement de machins londoniens et anglais entre 76 et 78. Vaste programme. C'est quoi, c'est de la musique skin et punk? Chauve qui punk? Non, même pas. Au programme, ce soir, à partir donc de 22h30, Tom Robinson, Cox Power, Joy Division, .. Youpi. Donc, cher vieux de la vieille qui est traîné des gens 76 à Londres, qui fait l'émission avec Jga de Boomerang. Donc voilà, vous écoutez 89.7, 22h30. Si le corps vous en dit. Youpi. Ok. Alors, je vais vous passer un groupe qui est passé à China Strat à Gand dimanche dernier. Alors, j'ai vu tous les groupes depuis le premier que j'ai vu, là, enfin, quand je suis arrivé, Instructor, sauf celui-là. C'est con. Rifle, je sais pas comment on prononce. On passe à la Brad Cave il y a moins de 6 mois. Ah ouais, d'accord. J'y étais pas. Bah moi j'ai écouté sur la route et puis bof quoi. Je trouvais ça assez brouillon. Même si à Skip sur scène c'est ultra carré. On m'a dit il y a que la voix qui est un peu chelou, mais ce qui paraît c'est bien bien carré. Donc j'ai donc raté leur reprise des Kids, Fascist Cops. Ah. Enfin raté à moitié. Car Puffer. Le groupe qui jouait après Rifle, eh ben il reprendra le même morceau en featuring avec le chanteur de Rifle, comme tu veux. Alors, on retrouve cette reprise sur le Bandcamp du groupe Rifle et tout de suite sur Radio Campus Lille. Rifle qui reprend The Kids, Fascist Cops à Cab. Fuck's sake. Fascist cops, wait on, fascist cops, wait on. I am the pop of dope. I come from California, dirty south from Belgium. Wah, wah, wah. I'm the pop of dope. Et je m'en souviens, toi, ma gueule. Ah, il va le dire après. oui, c'est le, donc c'est le Pop of Dope, hein, bien sûr, Party Harders et je sais plus qui, là, les The Subs. Rien à voir avec Popo Is Duo. Collaboration flamande et wallonne. C'est beau quand même. Donc il y a le, l'un des mecs de Party Harders qui va passer ce dimanche au couvent à Roubaix pour faire du pouce disque. À mon avis, ça y aura. On se retrouve la semaine prochaine pour le 340e numéro de Pyongyang City Rockers. Vous continuez d'écouter Radio Campus, il y a plein de bières émissions. Hein, il y a plein de bières, ouais. Et puis, bah, la semaine prochaine. Et on n'oublie pas. Akab. On va travailler au McDonald's ou chez Ikea le dimanche pour t'acheter de la drogue. The pop of dope. I come from California, dirty south from Belgium. Wah, wah, wah. Je suis le diable. Je suis le diable. De la création.